ضعف الفراغ في كل جملة مما يأتي الفعل يذهب المضارع بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Donc là, c'est le même exercice, sauf que là, on fait avec le mudari, le présent. جملة الأولى. أحمد وإبراهيم يذهبان إلى المكتبة كل يوم. نعم. Donc Ahmed et Ibrahim vont à la bibliothèque tous les jours. Donc يذهبان. On a ajouté quoi? Le alif al-ithnain et nun. Et ce nun, c'est quoi ce nun? يذهبان. C'est quoi ce nun? Le nun. يذهبان. Aïe, ouais. Le nun, c'est quoi? C'est un site. C'est Aramat Araf. C'est quoi? C'est Thubut al-Nun. Aïe, ouais. Thubut al-Nun. Donc tu rajoutes le alif al-ithnain qui est le fa'il. Comme tu dis hum yadhabun, tu dis huma yadhabani. Donc le alif c'est le fa'il, c'est mudamim muttasil. Et le nun qui est après, yadhabani, c'est thubut al-nun, c'est le signe du raf, tout simplement. Comme yadhabuna ou comme tadhabina, c'est le même nun. Thaniyan. Aïna tadhabani, ya waladani. Où allez-vous? Oh, les deux enfants. Donc là, apparemment, t'as dit tadhabani, c'est un touma en fait. Tadhabani, mukhatab, mufanna muzakkar. Nam. Thalifan. Al-talibatani, al-jadidatani, tadhabani ila al-musalla. Nam. Donc les deux nouvelles étudiantes vont à la salle de salat, pour faire la salat. Au lieu de salat. Donc tadhabani, apparemment. Le tala, c'est pourquoi? C'est parce que c'est. Le roïb, le moines. Comme hier, tu t'adhab, bah, tu dis pour les deux femmes, t'adhaban. Et là, c'est pas mukhatab, c'est roïb. Rabi'an. Mata t'adhabani ila saydaliyati ya ukhtani. Naam. Donc là, c'est le mukhatab. Quand est-ce que vous allez aller à la pharmacie ou les deux sœurs? Donc t'adhabani, là, c'est un touma, à deux femmes. Ahsant. Rabi'an. Dor fil fora fi kuli jumlatin mimma yati fi'l al-am. اذهب بعد اسناده الى الضمير المناسب دونك لا سي لا ميم شوز سوف لا سي لي فيل امر الامبيراتيف كوم اس كونجوغ افيك الالف الاثنين تفضل الجمله الاولى يا اخواني اذهبا الى المسجد الان نعم او لو دو فرير الي او مسجد ماتنو دونك اذهبا كوم اون اوري سا فيتي هوم اذهبوا دونك لا اون اجوتي الالف اذهبا اي انتما ثانيا يا بنتان اذهبتا الى مكتب الى مكتب المديره خطا نو اذهبا ايوه نعم يا بات لو تي سي دو الماضي دونك vous les deux filles allez au bureau de la directrice donc اذهبا pareil pour l'homme pour la femme pour les deux tu vas dire اذهبا طيب خامسا امام كل جمله مما ياتي في المضارع مرفوع اكمل به الجمله بعد Donc devant chaque phrase, tu infirmes au présent, marfour. Donc complète la phrase avec le changement qui en découle. Taïeb, là il va t'apprendre quoi? Al-fi'l mansoub. Taïeb, et qu'on a dit quoi? C'est quoi l'aramat al-nasb dans ces verbes-là? Afala khamsa, ça on enlève le nun, tout simplement. Donc il dit, Mada yuridu al-taliban al-jadidan. يريداني أن يذهبا إلى المهد إلى المهجع. Donc que veulent les deux nouveaux étudiants? Ils veulent aller au dortoir. Donc à la base c'est يذهباني. Et là comme les منصوب à cause du أن qui est devant, alors les منصوب وعلامة نصبه حذف النون. On enlève le نون. Comme يذهبون on enlève le نون. Comme تذهبين on enlève le نون. ثانيا. يريداني أن يلعبا كرة السلة. نعم. Ils veulent jouer au basket. Donc là, pareil, à la base, il y a l'abani, et là, on enlève le noun parce qu'il y a un qui est venu devant. Les mansoub, à la maintenance, bi, hasf le noun. Thalithan. Yuridani, an yashraba al-qahwa. Non, ils veulent boire du café, ou le café. L'origine, c'est yashrabani, et là, il y a mansoub, on enlève le noun. Rabi'an. Yuridani, an yasma'a al-akhbar. Ils veulent écouter les informations. Donc là, apparemment, on a enlevé le noun parce qu'il est mansoub à cause du n. Alamat al-nasbihi, hadf al-noun. Khamisan. Yuridani, an yajlisa amam al-mudarrisi. Il veut s'asseoir devant le professeur. Naam. Donc là, yajlisan, c'est l'origine. Et là, quand il est mansoub, yajlisa, son noun. Ahsant. Saadisan. Akmil kula jumlatin mima yati bi damirin munasibin. Donc on peut être chaque phrase en mettant le damir qui correspond. Awalan. Ara'aita talibayn al-jadidayn? Naam. Ara'aytuhuma? Ahsant. Donc là, il veut que tu mettes quoi? Le damir muttasil. Voyez. Donc il dit, est-ce que tu as vu les deux nouveaux étudiants? Donc là, talibayn al-jadidayn, c'est quoi leur i'rab? Talibayn, c'est quoi son i'rab? طالبين نعم رأيت طالبين مفعول به منصوب نعم وعلامة نصبه نعم الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى أحسنت donc là il est منصوب parce qu'il est مفعول به et son signe du nasb c'est le ya quand il est مرفوع c'est طالبان quand il est منصوب ou مجرور c'est طالبين et جديدين نعت ça vient dans le prochain dans le درس d'après inshallah donc as-tu vu les deux nouveaux étudiants il dit oui je les ai vus tous les deux quoi en fait. Raïtu Huma, c'est je les ai vus. Et là, Huma, il revient à qui? Au Talibayn. Fanyan. As-tu lu ces deux magazines? Il dit oui, je les ai lus. Donc là, Hataini, c'est quoi Ism Shara? À la base, c'est Hatani, quand il est marfou. Là, il est mansou parce qu'il est marfoubi. Donc tu dis Hataini. Et Mujallataini, Badel. نعم قرأتهما ويجلزلي هما يرجع إلى من وإلى ماذا إلى مجلتين ثالثا قال المدرس لحامد وصديقي نعم معطوف نعم رأيتكما في المسجد البارحة donc le مدرس dit à Hamid et à son ami je vous ai vu tous les deux dans la mosquée hier soir نعم رأيتكما طيب لا سبب ضمير متصل مخاطب المثنى مذكر رابعا قالت المديرة لزينب ومريم أريد أن أسألكما عن بلد جد عن بلد إيش كلمة الضمير عن بلدكما نعم عن بلدكما دونك لا ديريكتريس أدي زينب ومريم je voudrais vous interroger, c'est-à-dire toutes les deux, sur votre pays, c'est-à-dire votre pays à toutes les deux. C'est-à-dire, Ouledou an as'alakuma, et Mariam, Mouzaineb ou Mariam, an beladikuma, et le pays de Mariam et de Zaineb. Arsenta. Sabian, Adib, an as'alatil atiya, répond question suivante. Awalan, mata kharaja Ahmedou wa akhouhou bin al-Fasli. Donc, ça t'en inventé en fait, la réponse. خرج قبل قليل نعم دونك خرج له الفاعل خرج قبل قليل له الفاعل الالف يرجع الى احمد واخوه ثانيا متى ذهبتما الى مكه quand avez-vous été c'est-à-dire tous les deux à Mecca quand est-ce متى ذهبتما نعم ذهبنا نعم ذهبنا في هذا في هذا السنة هذا السنة وهذه وهذه السنة نعم نعم ثالثا ماذا شربت شربت فن زينب وسعاد كم بو كيس كم بو زينب وسعاد شربت القهوة كيف تقول؟ شربت القهوة. شربت القهوة. شربت القهوة. نعم، كل الألف رافع. رابعا، أين يدرس حامد وخالد؟ ويتدي حامد وخالد. يدرسان في المدرسة الثانوية. نعم، يتدي في كوليج. دونك لا يدرسان. طيب، سي المثنى. كيفية حامد وخالد. خامسا ماذا تغسل آمينة وأمها؟ Qu'est-ce que lave Amina et sa mère؟ تغسلان الثياب. نعم. Elle lave les vêtements, tout simplement. طيب. Donc on a une خلاصة des أفعال الخمسة. طيب. Que sont les أفعال الخمسة؟ C'est le verbe dont علامة الرفع lorsqu'il est مرفوع c'est avec un نون. Et lorsqu'il est mansoub majdoum, si on enlève ce nom. Et c'est tout verbe auquel s'est attaché un damir au mudaria. Ou alif l'ifnein, ou au jama'a, ou yom khataba. Donc il dit, ta'amel ma yali, médite ce qui suit. Al mudaria al marfou, avec le fil zahaba. Comment tu dis dans les afra le khamsa? On peut dire afra le khamsa ou amsiat le khamsa. Donc, yadhabani, ça c'est huma. Yadhabuna, ça c'est hum. Tadhabani, ça c'est antuma. Ou huma pour deux femmes. Tadhabuna, ça c'est antum. Tadhabina, ça c'est anti. Quand il est marfour, c'est comment? Avec ce bout de noun. On met le noun à la fin. Al-mudalir, al-mansoub. Lorsqu'il est mansoub. Lan, yadhaba. Voyez, là c'est huma. Ils ne vont pas. Ou ils n'iront pas plutôt. Lan, yadhabu, hum. Ils n'iront pas. Lan, tadhaba. C'est ou antuma ou huma pour deux femmes. Lan, tadhabu, vous n'irez pas. Ey antum. Lan, tadhabi, tu n'iras pas, c'est-à-dire toi à une femme. Al-mudali al-majum. Lorsqu'il est majum, c'est comment? Pareil, bihaf al-nun, on enlève le nun. Lam, yadhaba, ils n'ont pas été. Ey huma. Lam, yadhabu, ils n'ont pas été, c'est-à-dire hum, eux. Lam, tadhaba, c'est vous n'avez pas été. Antuma ou huma pour deux femmes. Lam tadhabu, vous n'avez pas été, ay antum. Lam tadhabi, tu n'as pas été, ou tu n'es pas allé, c'est-à-dire toi, une femme. Donc il dit, hadihi yal afhal khamsa, et comme on dit aussi, les amsilatu khamsa. On peut les appeler comme ça, les amsilatu khamsa. I'arabu l'afhal khamsa, leur analyse grammaticale, tulfa'u bi thubutin noun, donc ils sont marfour en mettant le noun, wa tulsabu wa tujzamu bi hasfin noun, et ils sont mansoub. On majum en enlevant ce nom, tout simplement. Adam Afoum. Nouassil, fi ad-darsi al-hadi wa thalathin. On persiste et on continue dans le 31e leçon, qui est la dernière, Inch'Allah. Qui concerne le Na'at. Tayyib, le Na'at, on a déjà pris quelque chose dans le kitab Awal, alhamdoulilah, il est facile. Tayyib. Nouassil, darsi les cours. Donc, tu veux prendre qui? Ibda. Hein? Comme d'hab, il y a des choses. Al-Mudarris Yakul, Einal Taliban et Jadidan. Où sont les deux nouveaux étudiants? Ali Yakul, Yakul. Huma fil maktaba. Zahaba li yakhud al-kutub al-muqarrara. Donc il dit, tous les deux, ils sont dans la bibliothèque. Ils y ont été pour prendre les livres prescrits. Donc regarde, li yakhudha. Il est où le nun? Le nun, il est où? Liyakhudha al-kutub al-mukarrara. Ma'zouf. Aïwa. Parce qu'il est mansoub. En fait, c'est Yakhudhani, mais là, comme il est mansoub à cause de la présence du lam ta'lil qui est devant. Et il est mansoub par quoi, Yakhudha? Par elle. Ahsant al-Munwar. Al-Mudarris Yakul. Mata Zahaba. Quand ont-ils été? C'est-à-dire la Maktaba. Ali. ذهب في الحصة الثانية ثانية نعم يا أستاذ أريد أن أشتري معجما عربيا أريد أن تدلني على معجم جيد يجيد توسينا أيوة جيد donc Ali dit ils ont été lors de la deuxième séance deuxième cours au professeur je voudrais acheter un dictionnaire arabe je voudrais que tu m'indiques un très bon dictionnaire. Dalla yadullu, là, c'est... Dans cette phrase-là, il veut dire indiquer. Dalla ala, c'est m'indiquer quelque chose. Nam, ojayid, c'est bon. Et comme tu as dit, une erreur. Indiquer, on est suivi du harf jarala, prend ce sens. Non, indiquer, il prend le sens quand il est suivi du harf jarala. C'est bien ça. Ouais, ça peut dire aussi prouver. Dalla yadullu, ala kada kada. C'est possible, vouloir dire prouver. Mais là, dans cette phrase-là, il veut dire indiquer. Dans le sakoul, ishtali al murjam al wasit fa inna murjamun jayyidun. Donc il dit achète le dictionnaire al wasit car c'est un très bon dictionnaire. Et le problème c'est qu'il y a plein d'images. Al wasit. Il est bien. Il est bien, mais il serait mieux sans photo ou sans les têtes. Non. Ahmed yakoul. Al-yom yantahi al-juz thani. Mata nabda'u al-juz thani thalitha. Donc il dit aujourd'hui se termine le deuxième volume. Quand est-ce que nous débutons le troisième volume? المدرس يقول في الأسبوع القادم إن شاء الله نقرأ اليوم الصفحتين الأخيرتين

اليابني يبغى الف واللام اللي معرفة أصلي. ثالثا هاتي هاتي دفترك الأول dans ton premier cahier. Donc là le نعب c'est الأول اللي معرفة parce que دفترك اللي معرفة أصلي كان اللي مضاف ضمير. طيب ثانيا عين النعت والمنعوت في كل مثال مما يأتي. Donc définis désigne le نعت et le منعوت dans les exemples parmi ceux qui sont exposés. تفضل. الجمل الأولى أريد أن أشرب ماء باردا يعني je voudrais boire de l'eau froide. نعم باردا هو النعت المنعوت ماء. أحسنت. ثانيا أقرأ القرآن الكريم كل صباح يعني je lis le Coran tous les matins. نعم الكريم هو النعت والقرآن هو المنعوت. أحسنت. أسكن في بيتي جميل يعني j'habite dans la maison de Jamil. Là. Est-ce qu'on fait Beit in Jamil? Non. J'habite dans une belle maison. Arfant. Jamil. J'ai cru que c'était un nom. En fait. Ouais, bah, Jamil, ça peut être un nom. Ça peut être correct, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas un Moudof ou Dofilé. Ils veulent un Art ou un Manros. C'est pas faux le sens. Le non, il n'aurait pas été faux. Mais il était sorti de ce qu'eux ils voulaient. Oui. En fait. Non. J'habite dans une belle maison. Non. Jamil, il est. نعت وبيت منعوت. نعم في حينا مسجد كبير. لا تبلي انفاذا رابعة. لا نعم. لا تكتب بالقلم الأحمر يعني نخيبه با avec le stylo rouge. C'est vous deux en fait. N'imprécise نخيبه با. نعم vous deux. الأحمر هو النعت القلم هو المنعوت. نعم في حينا مسجد كبير له منارتان جميلتان يعني dans notre quartier il y a beaucoup de mosquées. لا كبير قال كبير il y a une grande mosquée. نعم et il possède deux minarets. De belles minarets. De beaux minarets. C'est masculin. Voilà, de beaux minarets. نعم ça dit ça. Attends, il faudrait que j'aille d'abord. Ah ouais fan كبير نعت ومسجد منعوت جميلتان نعت نعم ومنارتان منعوت. أين المدرسون الجدد يعني أوسون لي نوفو بروفيسور الجدد النعت المدرسون المنعوت. Et là comme tu vois il n'est pas obligatoire que lorsque tu as par exemple un Jem Zakar Salim que le Nat soit comme lui. Alors tout le monde c'est un Jem, c'est un Jem. Même si c'est un Jem taxi avec un Jem Zakar Salim c'est accepté. تفضل واصل. حفظت سورتين طويلتين. J'ai mémorisé deux grandes sourates. نعم. طويلتين هو النعت والمنعوت سورتين. هم رجال صالحون. يعني ce sont des hommes pieux. نعم. صالحون نعت رجال منعوت. أين أخوك الصغير؟ Où est ton frère, ton petit frère? As-Sarir, ou An-Nat, ou Akhou, ou Amanoud? Non. Mada qala laka Ahmad, Ahmad al-Pakistani? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit, yani, Ahmad le Pakistanais? Non. الباكستاني النعت وأحمد المنعوت. أحسنت. طيب ثالثا أكمل كل جملة مما يأتي بنعت مناسب واضبطه بالشكل. دونك من نعت كي كوسبون دو ترو اي يعني ميلو لي الحركات كي كونفيان. تفضل الجملة الأولى. أكلت طعاما لذيذا وشربت قهوة قهوتين يعني باردة. مفاجئ صح؟ باردة. باردة نعم. أيوة تفاجئ. يعني j'ai mangé de la nourriture délicieuse et j'ai bu un café froid. مسكين. قهوة باردة. C'est pas facile. ثانيا. أين الطلاب الجدد؟ يعني où sont les nouveaux élèves؟ نعم. لي أخوان كبيران. وأختان صغيران. نو أختان Tsaghir Athani. Aïe. Nam. Yani, j'ai deux grands frères et j'ai deux petites sœurs. Nam. Ishtaraitu qalamaini maksuraini. Maksuraini. Hein? On peut dire ça? Maksuraini, hein? Aïe. Yani, j'ai acheté deux stylos cassés. Nam. Indi sa'atun jamilatun. Yani, j'ai une belle montre. Fil fasli makatibu. Makatibu kathiratun. Nam. Yani, dans la classe, il y a beaucoup de. Bureau, il y a beaucoup de bureaux. Nam. Tilka siyaratu. Tilka siyaratu jamilatun. Limudarrisil jadid. Nam. Yanni, cette belle voiture est au appartient au nouveau professeur. Au nouveau professeur. Nam. Askunu fil mahja'i. On va traduire comment? C'est pas une carte. Fil mahja'i. Non mais après, qu'est-ce que je pourrais dire? Al-Jadid, c'est-à-dire tu veux. Ah non, Al-Jadid, non c'est pas grave. Al-Jadid. Yanni, j'habite dans la nouvelle. Fil mahja'i al-awwal. Al-awwal, nam. J'habite dans la nouvelle. De la première. Le premier dortoir. Premier dortoir, on va dire. Mahajia, hein, c'est pluriel. C'est ça? Là, c'est là, il est moufra. Non, mais je te demande, Mahajia, c'est le vrai. Yanni, j'habite dans le premier dortoir. Aina siyarat, siyaratuk. Aina siyaratuk, hein? Min couleur. Aina siyaratuk, yani. Al-Azraq? Là. Azraq, c'est Muzakkar. Ah ouais, bah oui, c'est Siyara, tous les féminins. Azraqa. C'est quoi le féminin d'Azraq? Ah ouais, j'ai oublié les féminins. Les formes, là. Azraqa, non. Comment tu dis? Azraqa. Azraqa, c'est ça? Azraqa. Azraqa. Non. Aina Siyara, tu Azraqa? Où est ta voiture verte? Là. Bleu. Non. Ibrahimu. Ibrahimo. Mais un pays. Mais un ensemble. Lui, un pays. Un pays? Aïe, ouais. Ibrahimo. Ibrahimo, le Pakistani. Un talibun jadid. Ou talibun qadim. Talibun. Mouchtahid. Mouchtahidun. Yanni Keslan. Qui met au rythme. Vas-y, traduis. Yanni. Et Ibrahim le Pakistanais est un étudiant paresseux. Alhamdulillah, bien qu'on a terminé ce livre, alhamdulillah. Et pour clôturer, inchallah, on va juste faire un tour. Les halat et les arabes. Tu peux le fermer, pas besoin. Voyez, qui était le principal pi de ce kitab pour celui qui va apprendre et à reconnaître les mots et leur statut dans les phrases. Donc on a appris déjà que l'Irlob, elle est de quelle catégorie? Quelles sont-elles les quatre catégories? Les quatre catégories? Aïe, ouais. L'Irlob? Aïe, ouais. Parfois? Arraf, un arabe. Arraf, un nasb, un khaz, un yajar. Al-Jazb. Al-Jazb, enceinte. Taïeb, Arraf, c'est quoi son signe d'origine? Maïa Aramatou al-Asliya? Al-Aramatou al-Asliya. Il y a Dhamma. Dhamma. Hachim Mithalan. Donne un exemple. De quoi de... Avec un Moutada Khabar. Avec un Dhamma. Moutada Khabar. Yani. Al-Qalamu Maksour. Al-Qalamu Maksour. Qu'est-ce qui sort de l'origine? C'est quoi les autres signes du Raf? Autre que le Dhamma. Al-Dhamma du. Al-Waw. Al-Waw. Quand? Fijam al-Mudakir al-Salim. Naam. Mithalan. ذهب المدرسون ايوه اللي في عين مرفوع واو اي كلمه الواو قد تسكيله علامه الرفع الالف لا ها الواو الواو هذا نفي الواو شو ضل الواو الواو اللي علامه الرفع تو نوت تريك اوسي نوت تريك في الاسماء اسماء وخمسه ايوه يعني جاء أبوك جاء أبوك نعم أبوك اللي فاعل مرفوع علامة رفعي الواو حسنت أيضا ما يكون كم سين دي رف الأليف الأليف مثلا متى مثلا Dans quelle catégorie de nom il est le alif il est à l'entraf Pendant qu'on prend la place du fail. Là je veux dire dans quel genre de nom Dans quel genre de nom Non. Vous avez appris là aujourd'hui Non. Dans quel genre de nom Par exemple, waouh, il est à l'entraf dans quel genre de nom Dans le Jamuzakal Salim. Ou l'Asm al-Khamsa. Donc là, le alif, dans quel genre de nom Dans... Fil asma al-khamsa. Là. Araf. Araf. Aïe, ouais. Quand est-ce qu'il est marfou ou bien alif C'est quoi les noms qui sont... qui prennent le alif Fil muthanna. Ahsan. Hein, fil muthanna, faqat. Aïe, ouais. Muthanna, le duel. Hatim mithalan Ja talibani. Non, ja talibani, le marfou, c'est un fa'il. Ahsanta. Donc, on a vu quatre. La damma. Ah, le quatrième, vas-y. Ces trois-là, tu veux le citer, là, ils sont juste pour les noms. Taïeb, pour les noms, à part la Dhamma, elle est aussi pour les verbes. Et il y a un quatrième signe dans l'offre pour les verbes. Thubutunnun. Thubutunnun. Ça, c'est quand, ça Fi la fa'al khamsa. Aïwa. Tadhabouna, yadhabouna, tadhabana, yadhabana, tadhabina. Arsent. Ça, ça concerne le rof. Maintenant, le nof, c'est quoi son alamat asliya, son signe d'origine Al-fatha. Al-Fatha, Arsent. Et qu'est-ce qui sort de l'origine Les signes qui font exception à la règle. La Fatha, c'est l'origine. Maintenant, c'est quoi les autres signes qui est là Le Nasb. Fidjamal Moudakir. Salim, c'est quoi son alamat al-Nasb Alia. Alia. Niabatan. Non, Moussalim, Raïtul Muslimin. Et également, le Ya, il est quand Djamzakar Salim et il y a un deuxième truc. جعل جمع المذكر سالم وفي في الأسماء نو في المثنى مثنى رأيتو طالبين طالبين نعم نعم طيب également parmi les signes du nom qu'est-ce qu'il y a encore qui sort de l'origine مثلا جمع مؤنث سالم مؤنث سالم سي كوا سون سين دو نوم جمع مؤنث سالم ايوا كومون منصوب رايت المسلمات كومون تو دي المسلم فوكش بو دلو اخي فوكش بو دلو تصوف با صحيح طبعا Vas-y. Mansoud bi Bil kasra. Bil kasra. Niabatan ani al fatha. Ra'aytu al muslimati. Naam. Également parmi les choses qui remplacent la fatha dans le nasb, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'alif. L'alif ahsant fi fi al asma al khamsa. Asma al khamsa. Ra'aytu abaka, ra'aytu akhaka. Ahsant. Et dans les verbes thabutun haf al nun. Haf al nun. Dans les afal khamsa, on enlève le nun. Tout comme il prend la fatha dans les... tout ce qui est autre que les Afalei Khamsa, il prend la fatha. L'an yad dhaba, mathalan. Et lorsqu'il est Afalei Khamsa, on enlève le nom. Taïb. Bakiye, el jar. C'est quoi la ramat orsulia du jar Le symbolique du jar kasra. La kasra. Taïb. Quelles sont les choses qui font exception à la règle Il y a... Jamal Moudakir. Jamal Moudakir Salim. Ouais, c'est comment le majorur C'est quoi le signe de son genre C'est le ya, niabatan. Ah, sainte. Oïdan, il y a un autre truc qui prend le ya. Deux autres trucs qui prennent le ya. Al-Asma al-Khamsa. Asma al-Khamsa. Salamtu ala abika. Et un troisième. Et le troisième, c'est le muthanna. Aïwa. Salamtu ala talibayni. Ah, sainte. Et il y a aussi la fatra, mais on n'a pas pris. Ça, c'est dans le ism mamoum sarf. Et la fatha aussi, qui remplace la kasra. Oh, dans l'ism, par exemple, tu dis Salamtu ala Aishata. Tu dis pas Aishati. Non, c'est. J'ai. Non, mais là, on n'a pas trop parlé dans le livre, donc, Inch'Allah, la baisse. Et pour finir, le jazm, c'est quoi son signe d'origine C'est le sukun. Sukun, Arsant. Et c'est quoi des choses qui font exception à la règle. Il a deux choses. Déjà le Awalan. Il a deux choses. Hafnoun. Hafnoun, ou le Afal Khamsa, Salam, Lam Yadhabou. Et. في المعتل ايوه الناقص سي كوا سون سين المعتل الاخير حذف الحرف العله ايوه اون لو الحرف العله مثلا تقول تدي لم يكوي اون لو لو يا لو يا دو كوا يكوي عشان دونك voilà le clip tourne autour de ça et aujourd'hui on a terminé bifadlillah صلى الله على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه سلمات تسليما كثيرا وجزاك الله خير